La nuit des temps, Radio Duo. What goes up must come down. What goes up must come down. What goes up must come down. What goes up must come down. Cristóbal Tapia de Vere compose des musiques de série en contredisant la tradition des bandes-sons habituellement discrètes et qui cherchent à souligner le récit. Non, son truc à Cristóbal, c'est d'éclater l'image, de tout renverser et d'emporter le récit vers des contrées dansantes, inquiétantes, exotiques, voire entêtantes. Il brise les frontières et n'est pas pour rien dans le génie de la série The White Lotus, dont la saison 2 fonce vers l'effroi, le ridicule, les cris et la folie. Oh, La nuit des temps, l'international de la danse. साल की औरत जो जिंदगी की हर खुशी हर उमंग हर उम्मीद पीछे कहीं रास्ते में खो आई है और आज लगती है 16 साल की बच्ची भोली नादान बचपन की शरारत से भरपूर. C'était l'un des producteurs qui a marqué le son des années 80 et 90, notamment tissant des passerelles entre la France et l'Angleterre, mais aussi entre le rock et l'électro. Stevie Lage a aussi permis à Rachita de passer à la vitesse supérieure en mixant ce second album, ouvert sur le monde et tendu comme un arc. C'est comme Christophe Chassol, un point de rencontre entre l'Inde et la France, plus l'Angleterre. Voici Rachita, Indie, et nous sommes en 2013, et vous êtes dans la nuit des temps. We'll be right back.

only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you each step of the way, and I will always love you. I will always love you. Bittersweet memory. That's all I am taking with me. Goodbye. Please don't cry. We both know that I'm not what you need. And I hope that you have all that you ever dreamed of. And I wish you joy and happiness. But above all of this, I wish you love. Are you in love? Do you feel it in your stomach? Does it twist and turn and scream and burn and start to make you cry, but you like it? Don't want to let it slip away? Does it stretch into your throat until you don't know what to say? Does it hold you under its pillow in the night? It kills you with its passion and its endless beam of light. When you see yourself in the future frail and gray, who do you want beside you when you wake to start your day? Yeah, it's extreme. I know what you're gonna say. I'm being too dramatic, but this feeling feels this way. Are you in love? Do you feel it in your spine? Shaking, waking, tearing, breaking, taking its sweet time, but you want it. Yeah, you need it just to breathe. You're never sure of what trick it's pulling from its sleeve. If you said yes to all the things above, then yes, my friend, I'm sorry. It appears you are. La nuit des temps, l'international de la danse. Chaque ville a son rythme, et nous sommes les gens et nous vivons en ville. Et la ville se gentrifie. Les plus pauvres doivent partir car les loyers coûtent trop cher. Nous sommes les gens et nous vivons tous ensemble en ville. Voici dans la nuit des temps Lucas Evan. Every city have a rhythm. Et nous sommes en 2022. drama, drama, drama. You know, people like to describe it as an exciting event, an emotional, unexpected event. But you see me, I like to describe it as a pain in my ass. I know you feel me. You know those days when all you wanna do is let loose, feel free, and dance. But then someone comes in. They try to take your life. Try to kill the vibe. Theatrics, dramatics, mental gymnastics. Yo, I don't care what you call it. I don't need it. I didn't send for you, so don't come for me. I don't need that drama. Stop playing with me. Save it for your mama. Stop playing with me. I don't need that drama. Stop playing with me. Save it for your mama. Just back up off me. Drama. With no direction, nowhere to go. with arches wide, I found a place in you forever, everlasting grace. You pick me up when I am down, plant my feet on solid ground. Let everything that happened praise the Lord, for it is He who brought me through it all. I knew He'd find me a way. Forever He'll make my brighter days. He lift me up when I was down. You plant my feet on solid ground. Whenever times seem so dim, I know I can count on Him. In the darkest, darkest hour, I look to Him for my soul power. You lift me up when I am down, and plant my feet on solid ground. They hung on my stretched wide for my sins. You know He died. Where would I be without the Lord? He gives me strength in a time of storm. Well, solid ground. I need you in my life. Solid Ground. Le Solid Ground de notre bon vieux club. Le Solid Ground de la nuit des temps. Autrement dit, le Dance Floor. Et ce chef-d'œuvre House Gospel de Jasper Street. Et ce son garage. C'est ce son garage qui va refermer les portes de notre bon vieux club. Alors, la question. Êtes-vous amoureux? Un peu? Beaucoup? Pas du tout. Pour le savoir, nous avons reçu ce soir Miley Cyrus en power play cette semaine, avec tout son background de country girl qui fricote avec des musiciens et producteurs passionnants. Faut-il rappeler qu'en concert, et ça c'était il y a une dizaine d'années, devant une horde de jeunes femmes, eh bien, elle reprenait sa guitare et reprenait pour le coup pendant un quart d'heure des chansons des Smiths devant un public, je dois le dire, un petit peu surpris. C'est Miley. Avec ou sans Malibu. Nous avons également accueilli Cristobal Tapia de Verre et son Exotica déjanté. Bah, il y en a System. Alors oui, c'est évidemment, ça fait déjà plusieurs fois qu'on le reçoit dans la nuit des temps, mais vraiment, on ne s'en lasse pas. Poison Scora. Dolly Parton, sans qui la pop US ne serait pas tout à fait ni ce qu'elle est, ni féminine. Après Dolly, il a fallu remonter la pente du rythme doucement mais sûrement avec l'une des révélations 2022, les Kids Return. Il y avait également Lucas Evan et le rythme de la ville, de la cité et de toutes les cités. La star des DJ en ce moment, Honey Dijon. Et à l'instant, les Jasper Street. Et puis Alice Smith pour se dire au revoir, éteindre les amplis, rallumer les néons, mais attendez. On a encore droit à un petit bonus juste après, ce sera Hades Version. Toute la programmation et les podcasts de la nuit des temps sont sur Radio Duo, sur le site internet de Radio Duo ou également sur Instagram à la nuit des temps 2. Je vous souhaite une très très belle nuit d'été. On arrive bientôt au 21 juin, le paroxysme de l'année, les nuits les plus longues et les plus belles. Mais d'ici là, on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Radio Duo 89.5. Très belle soirée à vous. Salut! Thank you.